Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. Serait-ce la nouvelle guerre froide ? En tout cas, la tension ne cesse de monter entre la Chine et le Japon. Au centre de la querelle, la possession de quelques îlots inhabités que se disputent les deux pays. Un prétexte ? Presque certainement. Car les deux pays ont de bonnes raisons pour se livrer à cette surenchère un peu surréaliste. Des raisons historiques, économiques et même psychologiques pour ces deux nations orgueilleuses qui sont attachées à ne pas perdre la face. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est en Extrême-Orient que se joue en ce moment la question de la suprématie mondiale. Les États-Unis, en effet, semblent de plus en plus décidés à dédaigner le Moyen-Orient et le théâtre européen pour s'intéresser en priorité à cet Orient extrême où la Chine ne cesse d'afficher sa puissance. Mais il n'empêche que de provocation en provocation, de part et d'autre, la situation en mer de Chine devient périlleuse. Et que tout nouvel incident risquerait de précipiter Chine et Japon dans un redoutable et absurde conflit qui pourrait dégénérer en un affrontement entre Pékin et Washington. Monsieur X décrypte ce que dissimule réellement la crise sino-japonaise. Rendez-vous avec X. Les Japonais les appellent les Senkaku, mais pour les Chinois, ce sont les Diaoyutai. Les mêmes îles, hein. Deux îlots plutôt, hein, c'est-à-dire un chapelet de 5 îlots et 3 rochers inhabités situés en mer de Chine orientale, à l'extrême sud de l'archipel des Ryukyu, dont l'île la plus connue est Okinawa. Ouais, ça, c'est l'île japonaise en partie occupée par une base militaire américaine. Oui, les Senkaku ou Diaoyutai couvre au total un peu plus de 6 km². C'est minuscule, hein ? Et elles sont quand même plus proches de la Chine que du Japon. Elles se trouvent à 350 km des côtes chinoises, mais seulement à 190 km de l'autre Chine. Oui, Taïwan. Qui revendique aussi leur propriété. Alors si, sur le plan territorial, ces îlots sont sans intérêt, qu'y a-t-il d'autre ? Leur souveraineté permet à la puissance qui les possède d'élargir son espace maritime. Or, justement, cet espace serait riche en gisements d'hydrocarbures, même si les experts sont revenus sur leurs premières estimations trop prometteuses. Et puis, ces eaux sont aussi très poissonneuses. Mais c'est vrai que leur possession est d'abord symbolique. Un enjeu nationaliste. Et un objet de fierté nationale pour l'un et l'autre des deux pays. Or, vous n'ignorez pas que la Chine et le Japon ont un passé très conflictuel. Et que tout est prétexte pour faire ressurgir les plaies de ce passé. Ce sont quand même les Chinois qui ont le plus souffert. Hein. C'est incontestable. Ils ont été les premières victimes de l'impérialisme japonais qui a été particulièrement brutal. Et ça a duré un demi-siècle, hein, de 1895 jusqu'en 1945. Des millions de Chinois ont payé très cher l'occupation japonaise. Et malgré les relations commerciales fructueuses qui existent aujourd'hui entre les deux pays, nombreux sont encore les Chinois qui considèrent que les Japonais ont été les nazis de l'Asie. Et cela tient au fait qu'il n'y a pas eu de réconciliation après la Seconde Guerre mondiale et que les Japonais n'ont jamais vraiment reconnu la responsabilité de leurs crimes de guerre. Alors, quelle est l'histoire là, de ces îlots tant disputés ? Historiquement, ces îles ont d'abord été rattachées à Formose. La Taïwan actuelle. Hein. Qui a eu elle-même un passé très compliqué. Mais enfin, la plupart du temps, Formose a été occupée par des Chinois et a fini par devenir une dépendance de Pékin. Les Chinois mettent aussi en avant que géologiquement, les îlots de Diaoyutai appartiennent à la plateforme continentale chinoise, en tout cas très loin de l'archipel japonais. Autre chose, même si c'est anecdotique, ce chapelet d'îlots n'est apparu sur les cartes occidentales qu'au XIXe siècle, après le passage d'un bateau britannique. Mais à la fin du siècle précédent, le navigateur français, la Pérouse, avait déjà signalé ces roches survolées d'oiseaux. Ouais. Des rochers où il n'était pas question de débarquer. Hein. C'est ça. Plus tard, pendant la guerre qui a opposé la Chine au Japon, entre 1894 et 1895, ce dernier s'est attribué la souveraineté sur ces îles, considérées comme terra nullius. C'est-à-dire n'appartenant à personne. Et au passage, le Japon met aussi la main sur Formose. Et après la Seconde Guerre mondiale et la défaite de Tokyo alors... Ce sont les États-Unis qui font la loi. Ils décident que les îlots seront séparés de Formose et intégrés à la zone d'occupation américaine d'Okinawa. Et ça va durer jusqu'en 1972. Pendant cette longue période, les îlots servent de cible lors des entraînements aéronavals de la marine états-unienne. Notons en passant que le traité de paix signé en septembre 1951 entre le Japon et 49 États accorde des droits administratifs aux États-Unis sur un certain nombre d'îles, habitées comme Okinawa ou inhabitées comme les Senkaku. Et après 1972 alors ? Attendez. Avant, il faut que vous sachiez qu'en 1969, une commission économique de l'ONU fait état de l'existence probable de l'un des plus prolifiques gisements de pétrole du monde, et dans la zone des Senkaku. Alors, oui, soudain, on va s'intéresser à ces rochers. Hein. Évidemment, la Chine et Taïwan font savoir qu'elles revendiquent leur possession. Taïwan autorise même une compagnie pétrolière américaine à commencer des explorations dans la zone. Alors, 1972. Cette année-là, Washington rétrocède ses droits sur les îles de l'archipel Ryukyu, dont Okinawa, et les Senkaku au Japon. Et quelques années plus tard, en 1978 très exactement, plus de 30 ans après la fin de la guerre, Chine et Japon signent un traité de paix. La question des Senkaku Diaoyutai est évoquée ? Bien sûr, mais le numéro 1 chinois est alors Deng Xiaoping. C'est un pragmatique qui ne pense qu'à développer son pays. Et ça passe en particulier par de bonnes relations commerciales avec le Japon. Par conséquent, Deng propose de confier le litige territorial sur les îlots aux générations futures. Ça signifie que Pékin accepte au moins provisoirement que le Japon continue à administrer les îlots. Mais la question de la souveraineté reste pendante. Le flou, donc. Pourtant, peu après, on assiste à une première provocation japonaise. Des militants d'extrême droite, disciples de l'écrivain nationaliste Mishima, bâtissent un phare sur les Senkaku. Ça passe mal à Pékin. Naturellement, il n'empêche que le Japon, la Chine et la Corée signent, un peu plus tard, la convention internationale dite de Montego Bay sur le droit maritime. C'est important parce qu'il en découle la notion de zone économique exclusive fixée à 200 000 marins des côtes de chaque pays. Ça veut dire que dans sa zone, un pays dispose des droits de pêche. Et aussi du privilège d'exploitation des ressources minérales. Conséquence, ça relance les litiges territoriaux un peu partout dans le monde, dont celui des îles Senkaku, Diaoyu. Et à partir de là, on va aller de crise en crise. La première éclatant en 1996, à la suite d'une nouvelle action de nationalistes japonais d'extrême droite qui entreprennent encore de construire un petit phare sur l'un des îlots. Mais aussitôt, des groupes de Chinois et de Taïwanais débarquent sur l'îlot pour y poster. Et prendre symboliquement possession des lieux, j'imagine. Oui, puis seconde crise en 2010. Un chalutier chinois est arraisonné par la marine japonaise après être entré en collision avec deux patrouilleurs nippons près des îles Senkaku. Donc dans une zone qui, selon Tokyo, est sous souveraineté japonaise. Oui, et cet incident donne lieu à un vrai conflit diplomatique. L'ambassadeur japonais à Pékin est convoqué. Tokyo ordonne la libération des 14 membres d'équipage et le bateau est rendu à la Chine. Mais le capitaine est remis à la justice japonaise. Pour les Chinois, cette détention est illégale et ils réclament la libération immédiate de leurs marins. Alors que les Japonais, eux, évoque une affaire criminelle qui relève des lois japonaises. Et ça conduit Pékin à rompre ses contacts diplomatiques avec Tokyo. Et comment ça se termine, là, cette affaire? Le Japon demande l'intercession de Washington. Mais à la Maison-Blanche, on est franchement embarrassé. Les Américains proposent d'être les arbitres. Toutefois, sans surprise, les Chinois refusent. Alors, par la voix de leur secrétaire d'État, Hillary Clinton, les États-Unis sont obligés d'invoquer le traité de sécurité passé avec le Japon qui inclut les îles. Ils sont donc solidaires du Japon. Et qui vit sous la protection du parapluie militaire américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut noter qu'à l'occasion, et c'est assez rare, Taïwan a soutenu la Chine contre le Japon. Et pourquoi alors? Pour quelle raison? Parce que les Taïwanais aussi ont eu souvent maille à partir avec les Japonais dans la même zone. En tout cas, en représailles, la Chine a déclaré l'embargo de ces terres rares vers le Japon. Ouais, ces terres indispensables pour l'industrie électronique. Et c'est sans doute pourquoi, assez rapidement, Tokyo a ordonné la libération du capitaine chinois. Et j'imagine qu'aussitôt, l'embargo a pris fin. Bien sûr, ce qui n'a pas vraiment éteint la polémique, car les Japonais ont diffusé sur la toile des images de l'incident originel où l'on voit le chalutier chinois entrer délibérément en collision avec les patrouilleurs japonais. Donc là, la provocation était clairement chinoise. Eh oui, mais en 2012, le balancier repart dans l'autre sens. En avril 2012, le gouverneur de Tokyo, Ishihara Shintaro, un ultranationaliste populiste et négationniste, annonce que la préfecture de Tokyo souhaite acheter 3 des îles Senkaku qui sont détenues par un propriétaire privé. Le gouvernement affaibli et timoré tarde à réagir tandis qu'à Pékin, la tension monte. Cet achat alors? Il va être effectué en septembre 2012, mais par les autorités japonaises. Et c'est une grossière erreur, parce que d'un seul coup, Tokyo entérine ainsi sa souveraineté sur les îlots alors que leur statut avait été volontairement laissé dans le flou depuis le traité de paix de 1978. Et ça entraîne forcément une violente réaction de Pékin. Sur l'histoire des relations sino-japonaises de ces dernières années, voici l'analyse pertinente de Jean-François Huchet, directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Le Japon est mal à l'aise vis-à-vis de la Chine depuis la fin des années 90. C'est dû à sa propre faiblesse liée à la crise économique, mais aussi à la rapidité de l'émergence chinoise qui l'a pris de court. Pendant longtemps, les Japonais, impressionnés, n'ont pas pu se positionner. J'ai toutefois l'impression que c'est en train de changer, que le Japon adopte un rôle plus déterminé, sans compter que les États-Unis comptent davantage sur lui pour encadrer la montée en puissance chinoise. L'incident des Senkaku n'est pas un hasard. La Chine a voulu tester jusqu'où le Japon voudrait aller dans ce durcissement. Cet achat des îlots exaspère au plus haut point les Chinois. Une semaine plus tard, Pékin, pour la première fois, soumet une demande officielle de reconnaissance officielle sur les îles Senkaku d'Iaoyutai à l'ONU. Et c'est l'escalade. Et pas seulement verbale, car il ne faut donc pas grand-chose pour réveiller le sentiment anti-japonais en Chine. Surtout, j'imagine, quand elles sont suscitées, sinon organisées par le pouvoir. Bien entendu. On va donc assister aussitôt à de violentes manifestations hostiles au Japon un peu partout dans le pays. Et ça va assez loin. Des usines, des restaurants et des commerces appartenant à des Japonais sont saccagés. Même des voitures de marque japonaise sont vandalisées. Mais il faut dire que cette nouvelle crise coïncide avec la célébration de la journée de l'humiliation nationale. Qu'est-ce que c'est ça? Le 18 septembre 1931, L'armée japonaise a simulé le sabotage d'une voie ferrée pour justifier son entrée en Mandchourie du Sud, puis d'une partie de la Chine. Mais c'est exactement comme le feront 8 ans plus tard les nazis à la frontière polonaise. Et l'incident de Gleiswitz. Oui, les bonnes recettes sont éternelles. Cependant, Pékin, après avoir donné libre cours à cette éruption anti-japonaise, calme le jeu. Parce que lorsque les gens sont dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah ouais, les manifestants pourraient se retourner contre le pouvoir. Et demander par exemple plus de liberté. Donc on a tout fait pour que l'ordre l'emporte. Ouais, mais sur le fond, rien n'est réglé. Et le 13 décembre 2012, un appareil de l'administration chinoise survole la zone des Senkaku. Aussitôt, 8 chasseurs japonais F-15 décollent, afin, selon Tokyo, d'assurer la protection de notre sol, de nos eaux territoriales et de notre espace aérien. Ouais, mais on en est resté là. Oui, la célérité de la réaction japonaise s'explique par le fait qu'on était à la veille des élections législatives. Et en Chine, nouveau symbole, on célébrait ce 13 décembre le 75e anniversaire du terrible massacre de Nankin. Et où les soldats japonais de l'armée impériale se conduisirent avec une sauvagerie inouïe. Hein. Et qui a marqué durablement la mémoire collective des Chinois. Oui. Toujours le poids du passé. Et de part et d'autre. Les Japonais baptisent, par exemple, un énorme porte-hélicoptère récemment lancé du nom d'Izumo. Et c'était le nom du croiseur qui avait été engagé dans le conflit contre la Chine dans les années 1930. Un baptême qui n'est donc pas un hasard. Bien évidemment. C'est un signal envoyé à Pékin. Pourtant, dans cette montée des périls, un ancien premier ministre japonais, Yukio Hatoyama, effectue un geste d'apaisement. Au cours d'une visite à Pékin, il appelle au dialogue. Il va même jusqu'à visiter le mémorial du massacre de Nankin. Aurait-il fait s'il était toujours au pouvoir? On peut en douter. En tout cas, son successeur, lui, ne marche pas dans la même direction. Ouais, c'est Shinzo Abe. Hein. Le vainqueur des élections de décembre 2012. C'est un nationaliste et un homme à poigne. En janvier, donc très peu de temps après sa nomination, il annonce la constitution d'une flotte spéciale de 12 navires et 600 marins pour surveiller les Senkaku. Ouais, autant dire qu'on ne se dirige pas vers la détente. Et la quatrième crise éclate au mi-temps de l'année 2013. Elle est encore plus préoccupante que les autres parce qu'elle se traduit par une militarisation croissante. Et surtout parce que, pour la première fois, les États-Unis vont devoir s'en mêler officiellement. Alors les faits, au début du mois d'août, on observe, selon les Japonais, la 39e incursion chinoise autour des Senkaku. Mais quand vous parlez d'incursion, de quoi s'agit-il? Des flottes de 3 ou 4 navires de garde-côtes chinois pénètrent dans la zone. Sommés de s'éloigner par les navires japonais de surveillance, leurs capitaines répondent invariablement dans les deux langues que ces îles font partie du territoire chinois. Oui, mais ils finissent par rebrousser chemin, non? Oui, mais à chaque fois, c'est l'épreuve de force, jour après jour. Et en même temps, l'aviation chinoise ne cesse d'indiquer à ses appareils un cap convergent vers les îles. C'est-à-dire? Les avions ne pénètrent pas à l'intérieur de l'espace aérien revendiqué par les Japonais. Mais c'est tout comme, ils le frôlent. Ils forcent ainsi les chasseurs japonais à se préparer à un décollage d'urgence. La guerre des mers, en somme. C'est évidemment l'effet recherché par les Chinois, mais c'est excessivement dangereux. Et pour plusieurs raisons. D'abord, un accident peut toujours se produire, par exemple une collision entre des bateaux. Et s'il y avait des morts, ça pourrait très vite s'envenimer. Ensuite, dans les deux camps se trouvent des gens incontrôlables. Qui seraient capables de provoquer la politique du pays. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. D'autant que des deux côtés, la propagande les excite en permanence. Au Japon, Shinzo Abe maîtrise-t-il vraiment ses nationalistes? Et en Chine, Xi Jinping est-il assuré de pouvoir toujours compter sur la discipline de ses manifestants? Alors une provocation est toujours possible, c'est ça? Oui. Fin novembre 2013, une nouvelle étape est franchie. Pékin décide alors de créer une zone aérienne de défense en mer de Chine orientale. Et les îlots disputés y sont inclus. Et aussitôt, Tokyo proteste. Comme je vous l'annonçais, les États-Unis entrent dans ce jeu dangereux. De quelle façon alors? Ils envoient 2 B-52 non armés pénétrer dans la zone aérienne de défense délimitée par les Chinois. Et bien sûr, sans le signaler préalablement aux autorités de Pékin. Washington, pour la première fois, défie donc ouvertement Pékin, dont l'attitude est jugée provocatrice. Oui, mais d'un autre côté, là, ce survol des B-52 ne l'est pas moins. C'est vrai. En tout cas, cette intervention américaine change la donne. Ouais, car jusque-là, les Américains observaient une sorte de neutralité. Ouais, enfin, une fausse neutralité, car en réalité, ils ont toujours soutenu leur allié japonais. Mais là, au moins, les choses sont claires. Ouais. Maintenant, c'est donc Washington contre Pékin. Ça y ressemble. Mais je reviens, moi, à la décision de la Chine de créer cette zone aérienne de défense. Est-elle complètement illégitime ? Non, parce que ses voisins, à commencer par le Japon, ont déjà défini de telles zones, et de façon unilatérale. Donc, pourquoi pas la Chine ? En réalité, ce que cherche Pékin, c'est à forcer Tokyo à s'asseoir à la table des négociations. D'accord, mais quelle serait la solution, alors ? Une co-administration de facto des îlots. En attendant, de part et d'autre, on montre ses muscles, tandis que le Japon et la Corée du Sud envoient des avions militaires dans la zone à plusieurs reprises, la Chine fait décoller ses avions de chasse afin de procéder à l'identification des appareils militaires qui pénètrent dans sa nouvelle zone de défense aérienne. Oui, c'est effectivement un chassé-croisé aérien risqué. Oui, très risqué, en effet. Car ce qui se joue derrière cette partie de bras de fer, c'est aussi une redistribution des cartes géostratégiques. La Chine, dont l'économie est de plus en plus forte, entend s'affirmer comme la puissance régionale de la région. Et les États-Unis veulent se réengager dans la zone. Quitte à oublier pour un temps le Moyen et le Proche-Orient. Et quant aux autres acteurs régionaux, Japon et Corée du Sud, ils serrent les rangs derrière les États-Unis qui sont les seuls capables de les protéger de la Chine. Et comment la situation évolue alors ? Au début du mois de décembre 2013, le vice-président américain Joe Biden se rend au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Il réaffirme que son pays réprouve la création de la zone de défense aérienne chinoise. Mais prudemment, il évite de demander à Pékin d'annuler sa décision. Ça veut dire que Washington n'entend donc pas s'aligner purement et simplement derrière le Japon. C'est ce qui apparaît. Et ça s'explique très bien. Malgré les rodomontades, les États-Unis peuvent difficilement rompre avec la première puissance économique en Asie. Et comment juge-t-on cette prudence américaine au Japon ? On apprécie peu. C'est pourquoi, sans doute, le Premier ministre japonais se livre à une nouvelle provocation. Fin décembre, Shinzo Abe se rend au sanctuaire Yasukuni, où reposent les criminels de guerre japonais. Il a beau prétendre qu'il s'agit d'une visite privée, ça ne trompe personne. Pékin proteste et convoque l'ambassadeur japonais. Ouais, bref, on souffle le chaud et le froid. Ça, c'est l'impression que ça donne. Et franchement, ça n'est pas très rassurant. Même s'il faut faire la part de ce qui ne ressort que de la propagande. Sous la signature de Philippe Pelletier, la revue Hérodote propose cette fine analyse de la crise actuelle. L'élite japonaise n'a pas admis sa défaite de 1945 et sa soumission à l'Amérique. La quadrature du cercle consiste en ce qu'elle ne peut pas se débarrasser de l'Amérique qui lui offre son parapluie militaire après avoir sauvé son système impérial. De cela, la droite nationaliste et l'extrême droite japonaise sont redevables à l'occupant américain, non sans schizophrénie, car la nature et le rôle de l'ennemi de la veille devenu l'allié du jour ne sont pas complètement oubliés. la schizophrénie qui en découle. On recoupe une autre qui concerne la responsabilité japonaise dans la guerre. Cette question heurte non seulement les élites, mais aussi le peuple, qui, sauf exception, ne s'en est pas emparé frontalement et qui surtout n'y a pas été encouragé par ses propres dirigeants, bien au contraire. Elle touche de plein fouet les relations entre le Japon et la Chine, dont la population a été l'une des plus meurtries par la guerre et par les atrocités japonaises. Les dirigeants chinois font ainsi, logiquement et facilement, de l'anti-japonisme l'un des facteurs les plus efficients de la cohésion nationale chinoise, pour ne pas dire nationaliste. Rares sont les feuilletons historiques de la télévision chinoise qui ne mettent pas en scène des soldats japonais barbares, méprisables, mais finalement vaincus et moqués. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Alors voyons maintenant ce qui se cache derrière cette nouvelle guerre froide qui sévit en Asie. Et vous allez constater que rien n'est simple, car les enjeux dépassent de très loin ce simple conflit territorial au sujet de quelques îlots inhabités. Et inhabitables. C'est parfaitement exact. Les relations entre la Chine et le Japon d'abord. Si on semble aujourd'hui au bord de la rupture, ça n'a pas toujours été le cas. C'est en 1978, je vous l'ai dit, que le premier traité de paix a été enfin signé entre les deux pays. Et cela a été facilité à la fois par la mort de Mao Zedong et la réhabilitation de Deng Xiaoping. À l'époque, et jusqu'au milieu des années 90, la question de la souveraineté sur les îles Senkaku Liaoyutai ne constitue pas du tout un enjeu majeur pour les deux capitales. Et pourquoi ? Parce que Pékin a besoin du Japon, qui est son premier partenaire économique. C'est donc indirectement le meilleur soutien du régime chinois. Et ça se confirme un peu plus tard. C'est le Japon qui est la première puissance à rompre l'ostracisme imposé à la Chine après les événements de Tiananmen en juin 1989. On voit même alors l'empereur du Japon effectuer une visite en Chine. En 1992, je crois, car les relations économiques sont alors au beau fixe entre les deux pays. Oui, même si la tension va croître à cause de ce différend territorial. Oui, au milieu des années 2000, la Chine supplante même les États-Unis et devient le premier partenaire commercial du Japon. Réciproquement, le Japon est le premier investisseur en Chine, avant les États-Unis et l'Union européenne. Oui, les deux pays ont donc des intérêts communs. Et leurs économies sont interdépendantes. En 2008, par exemple, les deux puissances signent un accord d'exploitation commune des hydrocarbures en mer de Chine orientale. Oui, mais cet équilibre est fragile, car le taux de croissance de la Chine est supérieur à celui du Japon. Vous avez raison. Et en 2010, la Chine ravit même au Japon la place de deuxième puissance économique mondiale. Toutefois, ça ne doit pas faire oublier que le PIB, produit intérieur brut, du japonais est encore 10 fois supérieur à celui du citoyen chinois. Et surtout, l'archipel nippon contrôle toujours des technologies vitales pour l'économie chinoise. Peut-être, mais il y a le passé. Qui n'a pas été soldé, comme je vous l'ai dit. Puis il y a la montée des nationalismes. Alors justement, voyons cela plus précisément dans chacun des deux pays. Le Japon d'abord. Le Premier ministre actuel, Shinzo Abe, a dirigé une première fois le gouvernement. Et ce conservateur joue alors l'apaisement avec la Chine à laquelle il réserve même son premier déplacement officiel, afin, a-t-il dit, de briser la glace et de faire oublier les visites répétées de son prédécesseur au temple funéraire Yasukuni, où sont honorés les soldats morts pour la patrie. Oui, donc vous l'avez dit, les criminels de guerre. Et à chaque fois, pour les Chinois, mais aussi pour les Coréens, c'est une provocation. Toutefois, quand Abe revient au pouvoir en décembre 2012, après avoir battu la gauche, le ton change. Abe s'est nettement droitisé. Et il faut remarquer, et ce n'est peut-être pas un hasard, c'est le petit-fils d'un ancien criminel de guerre jugé au procès de Tokyo en 1945. Il n'est quand même pas responsable des actes de ses ascendants. Certes, mais Abe est très fier de son ancêtre. Et je voulais laisser entendre, dès son retour, il joue à fond la partition nationaliste et surenchérit régulièrement. A noter aussi que lors des élections législatives, un parti encore plus nationaliste est arrivé en troisième position. L'Association pour la restauration du Japon, dirigée par Shintaro Ishihara, l'ancien gouverneur de Tokyo. Et celui qui a déjà voulu acheter les îlots de Senkaku. Le même, oui, un homme qui déclare, par exemple, je cite de mémoire, Je ne peux mourir tant que mon Japon, dont la Chine se moque, et qui est devenue une maîtresse des États-Unis, n'est pas capable de redevenir une nation forte. Une maîtresse des États-Unis, il va fort, hein ? Mais il est assez représentatif de ce courant nationaliste et négationniste qui monte au Japon. Ces gens-là ont déjà obtenu la réhabilitation officielle du calendrier impérial et la révision des manuels scolaires. Ouais. Pour mettre la pédale douce là, sur l'évocation des crimes de l'impérialisme japonais. Bien entendu. Et si de hauts responsables japonais ont fini par exprimer à plusieurs reprises leurs regrets quant au rôle belliciste de leur pays avant 1945, ils ne l'ont pas fait avec une vraie sincérité. C'est en tout cas ce que l'on pense en Chine, où l'on réclame toujours des excuses. Ouais, mais ce n'est pas sans arrière-pensée. Hein. Naturellement. Associé à ce renouveau du nationalisme, il y a aussi la question du réarmement du Japon, et donc de sa sécurité. Alors que la constitution japonaise, adoptée après la Seconde Guerre mondiale, est résolument pacifiste. Et au terme de l'article 9, le Japon s'interdit d'entrer en guerre et ne doit donc pas se doter d'une véritable armée. Oui, mais cet article a été détourné. Oui, enfin, au prétexte de développer des forces d'autodéfense. Et ça s'est accompagné par un accroissement considérable de sa flotte. Mais Shinzo Abe veut aller plus loin en augmentant le budget militaire. Je vous ai déjà parlé du porte-hélicoptère Izumo, le plus gros navire japonais construit depuis la guerre, qui a été dévoilé au public en 2013 et sera mis en service en 2015. En même temps, les Japonais se sont dotés de nouveaux avions de patrouille maritime suréquipés. Pour surveiller, entre autres, hein, les îlots de la discorde. Bien sûr. Alors la Chine, maintenant. Il est de plus en plus évident que l'attitude de Pékin dans le différent territorial est aussi dictée par l'évolution politique du pays. L'année charnière, c'est 2009. Pour quelle raison ? On observe la montée en puissance de Bo Xilai. Ouais, c'est ce dirigeant qui a été récemment et lourdement condamné. Hein. Oui, sa campagne de nettoyage néo-maoïste contre la corruption des réformateurs est alors très populaire. On assiste alors à une implacable bagarre entre ceux qu'on appelle les Shanghaïens, qui sont souvent de richissimes entrepreneurs, et les apparatchiks de la Ligue de la Jeunesse Communiste. En même temps, le contexte économique est moins favorable. Oui, la crise mondiale de 2008. Ouais. Et c'est préoccupant pour un pays qui dépend largement des exportations. Conséquence, la consommation intérieure chute. Ouais. D'où la tentation alors de détourner l'attention, donnant la priorité aux questions extérieures. C'est à peu près ça. Pékin met en avant la défense de ses intérêts vitaux en mer de Chine. La République populaire doit être prête à se défendre, y compris par la force. Notez bien que cela coïncide avec la volonté américaine de se réengager dans la zone Asie-Pacifique. Alors l'escalade dans les crises sino-japonaises s'expliquerait aussi par ce nouveau contexte économique et géopolitique. Et par les querelles internes au sommet du Parti communiste chinois afin de récupérer le pouvoir suprême. En 2012, Bo Xilai chute. Et avec lui, son puissant allié, le maître espion Zhu Yongkang, le chef des services secrets. Mais il était peut-être temps. Mais pourquoi ? Mais parce qu'un complot était peut-être en préparation. C'est sans doute aussi pourquoi la date du 18e congrès a été avancée. Et c'est donc Xi Jinping qui devient le numéro un. Avec comme mot d'ordre la lutte contre la corruption et une sorte de restauration du maoïsme. Le nouveau patron du parti a négocié très habilement un accord entre ceux qu'on appelle les princes rouges et la Ligue de la Jeunesse Communiste. Et pour sceller cette unité, le pouvoir va instrumentaliser les manifestations anti-japonaises de l'automne 2012. Alors au fond, on se réconcilie sur le dos des Japonais ? En quelque sorte, au risque d'ailleurs de se laisser déborder par les partisans de Bo Xilai. Tous ces groupes de jeunes qui ont manifesté en brandissant le portrait de Mao et se sont livrés à des pillages et des actes de violence. Ouais. Ces actions anti-japonaises auraient donc pu servir d'exutoire. Je le crois. Et les dernières révélations sur l'enrichissement illicite des principaux dirigeants chinois ne peuvent qu'encourager ce mouvement. En tout cas, vous l'avez compris, l'intransigeance chinoise envers le Japon est très fortement liée aux enjeux de politique interne. Alors maintenant, parlons des États-Unis. Oui, ils sont, vous l'avez dit, maintenant partie prenante de ce conflit. Hein. Et qui sont aujourd'hui très embarrassés. Mais expliquez. Hein. Washington veut à tout prix éviter un heurt frontal avec Pékin, qui serait catastrophique à tout point de vue. Mais d'un autre côté, les Américains ne peuvent pas se désolidariser de leur allié japonais. Et si par malheur un conflit armé éclatait sur le terrain, se verraient obligés de venir en aide au Japon. Non seulement pour honorer leurs engagements diplomatiques, mais aussi pour demeurer crédibles vis-à-vis de leurs autres alliés asiatiques qui vivent sous leur parapluie. Ouais, la Corée du Sud, Taïwan... Ah, mais aussi les Philippines. Les États-Unis peuvent d'autant moins lâcher le Japon qu'ils sont soumis à une sorte de chantage permanent au sujet de leur base d'Okinawa. Chantage, vraiment ? Oui, oui, parce que la population locale est très hostile à la présence américaine et demande régulièrement au gouvernement japonais d'y mettre fin. Et les nationalistes au pouvoir pourraient être tentés de les écouter, ne serait-ce que pour obtenir des concessions de la part des États-Unis. Ouais. Mais au fond, est-ce que les Américains ont-ils vraiment besoin d'Okinawa ? Ah bah c'est une pièce maîtresse dans la stratégie des grands archipels, visant à contenir la Chine. Si Okinawa fermait ses détroits, l'accès de la Chine à l'océan Pacifique serait compromis. Ouais, je comprends mieux maintenant. Ouais. Et c'est pour toutes ces raisons que, dans cette affaire, l'attitude des Américains semble si ambiguë et contradictoire. Car si les Senkaku font bien partie de l'espace de défense couvert par le traité de sécurité nippo-américain, la Maison-Blanche refuse malgré tout de prendre parti, au risque d'entretenir la confusion et donc la possibilité que cette nouvelle guerre froide dégénère. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et réécouter ce programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Fabrice Lègle et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, on va un peu dans la nature avec Denis Chessou.